Alors là, on est sur la bonne voie. Et décrochez le jackpot. Appuyez sur gain bonus ou sur plus 2. Appuyez sur gain bonus. Waouh, c'est ça le risque.